bienvenue dans ce Lobster 167.0. On a débuté là en musique avec la chanson Magic Mountain du groupe Hollow Ship. J'adorais le son de cette chanson quand je l'ai entendue à la radio. C'est pour ça qu'elle nous a fait l'honneur de débuter ce Lobster. Sinon, je dois absolument revenir sur le Lobster 166.0. C'était le Lobster dont vous êtes le héros. Bon, ça s'est mal terminé. Je suis mort noyé là, pour ceux qui l'ont écouté. Bon, une fin assez rapide, là, sans possibilité de retour arrière ou de me sauver. J'avais l'impression d'être comme dans le temps, là, dans nos vieux jeux d'Atari ou d'arcade de l'époque. Là, tu peux pas sauver, tu peux rien faire. Tu réussis ou tu meurs. Puis c'est juste avec des essais et des erreurs, puis la pratique, là, que tu peux réussir, je pense, le jeu ou le livre. C'était violent, comme nos jeux dans le temps, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoué au livre le lendemain de l'enregistrement. J'ai rejoué hors enregistrement. Je me suis assis dehors chez moi là, un soir qui faisait beau. Puis pendant 1h45 environ, j'ai essayé de refaire le jeu, de refaire le livre, mais sans faire les mêmes erreurs. Puis cette fois-là, je me suis rendu beaucoup plus loin. Je me suis rendu jusqu'au château du méchant. Et bon, je vous épargne les détails, mais j'ai quand même réussi à tuer le méchant loup-garou qui m'avait mordu. Mais il y avait un autre twist. Bref, cette fois, j'ai fini au service d'Isolde la vampire. Donc, je suis resté un loup-garou, mais cette fois-là, j'étais rendu comme le serviteur d'une vampire. Donc, j'ai pas réussi à me soigner, puis j'ai pas réussi à finir le livre. Et je suis allé voir sur Facebook où les gens parlent de ce livre. Puis là, il y a plein de gens qui réussissent ce livre. La manière de réussir, ben, c'est comme se dessiner une map à mesure que tu le fais. Donc, je suis allé voir pour mon livre, puis dans le cas du mien, ben, il faut passer par une ville spéciale, pas une ville spéciale, mais il y a une ville dans laquelle il y a un marchand qui vend une épée, ou il y a d'autres places où je peux acheter des dagues en argent ou dagues magiques. Bref, il y avait comme 2-3 façons d'avoir l'arme, d'avoir une des armes qu'on a besoin pour tuer la vampire à la fin. Mais moi, bon, j'ai pas passé par cet endroit-là, donc je n'ai pas réussi. Donc, même si le livre n'a pas un chemin unique pour le terminer, je n'ai pas réussi à trouver de bon chemin. Et bon. Donc quoi? Donc, ma conclusion? Parce que je suis allé reporter le livre à la Bible. Ma conclusion, c'est que c'est quand même bien fait. C'était quand même amusant. J'ai eu bien du plaisir à rejouer, mais jouer plus que deux fois, ça, je pense que ça revient redondant parce que je relisais pas l'intro, je relisais puis les places où j'étais déjà passé, ben je faisais juste les combats, j'avais pas besoin de relire. Donc après deux fois, je suis pas assez mordu pour finir le livre. Puis quand je réfléchis à ça, je me demande même si j'en ai déjà fini. Je vous ai dit que j'en avais un, j'avais les deux premiers défis fantastiques. Je sais qu'il y en a un que j'ai joué longtemps. Puis je me rappelle que je repassais toujours à la même place. Il y avait un nid d'oiseaux dans les airs dans lequel on trouvait un anneau magique qu'on avait besoin. Puis je me souviens d'être passé des tonnes de fois par cet endroit-là. Donc peut-être que dans le temps, j'ai été plus persévérant. Mais maintenant, après deux essais, j'ai abandonné. Voilà. Mais, comme je dis, c'est bien amusant. J'ai une question. La fille que j'ai poussée, elle est... Elle est en vie. Alors tant mieux. Au moins, je serai pas mort pour rien. Ah, tu sais... Même si tu n'étais pas intervenue, cette fille n'aurait pas été blessée. Ah ! Le conducteur du tracteur aurait eu le temps de s'arrêter juste devant elle. Hein ? Attendez une minute ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez dit un tracteur ? Oui, c'était un tracteur. Ça veut dire que je me suis fait tuer en étant renversée par un tracteur ? Pas du tout, ton cœur a lâché. Tu es mort de peur de te faire renverser. Mort de peur ? Je dois te dire que je guide les âmes depuis longtemps, mais j'avais jamais vu quelqu'un mourir de la sorte. Je rêve. Comment elle ose me manquer de respect? T'as eu tellement la frousse que tu t'es fait pipi dessus. Une fois arrivée à l'hôpital, même les médecins n'ont pas pu s'empêcher de rire de ta crise cardiaque. Arrêtez, ça suffit, je veux rien savoir de plus, taisez-vous. Sache que les membres de ta famille ont aussi pouffé de rire en apprenant la cause de ton décès à l'hôpital. Arrêtez, je vous en supplie. Bon. J'arrête de me moquer, j'ai assez évacué mon stress aujourd'hui. Konosuba, soit béni monde merveilleux. Ça, c'est le nom de la dernière série d'animé que j'ai dévorée sur anime-sama.fr. Puis c'est bon, puis c'est drôle. Voici le synopsis. Là, on a entendu un peu la bande-annonce. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'épisode 1. Après une mort prématurée et assez embarrassante, Kazuma Sato, un adolescent japonais Ikikomori, passionné de jeux vidéo, rencontre une déesse de l'eau nommée Aqua qui lui propose de se réincarner dans le jeu de rôle de Fantasy où il pourra ainsi partir à l'aventure et combattre comme des monstres. Bien qu'on lui propose de choisir un objet divin ou une capacité surpuissante à emporter avec lui dans ce nouveau monde, Kazuma, à la suite de l'attitude désobligeante de la déesse et d'une provocation, la choisit malgré elle pour l'accompagner dans la ville pour débuter d'Axel, où il constate rapidement que le manque de jugeote ainsi que la futilité d'Aqua lui sont très peu bénéfiques. Avec cette dernière, incapable de revenir dans son plan d'origine jusqu'à ce que le roi démon soit battu, les deux forment une équipe à la guilde locale pour aventuriers, Kazuma comme aventurier et elle en tant qu'archi-prêtresse, et ils recrutent deux autres membres, une archimage qui s'appelle Shunuma, peu importe, et Megumin, qui est une croisée masochiste qui, elle, ne touche jamais ses cibles. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on voit dans le premier épisode. Ça va super vite. Une personne meurt, bon, il se retrouve devant une déesse folle qui l'envoie dans un jeu en ligne. Ça, c'est souvent ce qu'on voit dans les animés, là. Il y en a d'autres, des animés où que les gens se retrouvent dans les jeux. Il y a Sword Art Online. En tout cas, il y en a plein là, dans ce style-là. C'est souvent le prétexte. Mais là, ce qui est drôle dans celui-là, qui a trois saisons plus un film, plus un préquel qui nous montre l'histoire de la magicienne. En plus, la magicienne, elle a juste un sort. Elle développe toujours la même affaire. Elle veut juste faire la plus grosse explosion. La déesse est inutile. Puis les autres qui les protègent, c'est une... c'est comme une chevalier, une chevalière. Puis, mais elle est masochiste. Fait que dès que les gens lui crient après ou que le jeune là, qui est envoyé dans le monde fantaisiste, il est fâché après, elle est tout le temps contente. Fait que, bon, moi, j'ai adoré cette série, là, je l'ai écoutée assez vite. C'est, évidemment, c'est plus adulte-ado, là, vu qu'il y a quand même beaucoup de blagues érotiques. Donc, voilà, ça s'appelle Konosuba sur le site animesama.fr. Je vous le dis, là, c'est vraiment bon, c'est amusant, là, écoutez, là, moi, j'ai dévoré ça assez rapidement. Après avoir écouté Konosuba, j'en ai écouté une autre série, mais cette fois-là, seulement 6 épisodes. Mais là, j'ai relâché un peu le style fantaisiste, là, les histoires Donjons Dragons. Je suis allé côté science-fiction, puis dans l'espace un peu, ça se nomme Notre jeunesse en orbite. C'est une histoire qui mélange intelligence artificielle puis un groupe d'enfants qui sont dans une station spatiale. Ça s'écoute vite, c'est 6 épisodes de 30 minutes, puis c'est quand même divertissant. C'est rien là, d'extraordinaire, là, mais une fois commencé, moi j'ai pas pu m'arrêter de l'écouter. Je voulais connaître la suite, donc c'est divertissant. Si vous aimez la science-fiction dans l'espace, bien ça s'écoute comme un film là, en une soirée. C'est un petit 3 heures quand tu veux pas t'embarquer dans de quoi de trop long, puis voir la fin tout de suite. Donc, ça se nomme Notre jeunesse en orbite. Je vous dis pas qu'est-ce qui se passe. Je vous réserve la surprise. Donc, si ça vous tente, un petit 3 heures, là, science-fiction dans l'espace. Après avoir écouté ça, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? J'ai écouté quelque chose qui est quand même assez bon. Ça se nomme Ijiranaid Nagatoro-san. J'ai une question, Senpai. Est-ce qu'aujourd'hui, c'était la première fois qu'une fille te la touchait? Oh, la première fois qu'une fille me touchait quoi? Allez, réponds à ma question! Lâche-moi avec ça! T'es rouge tomate! Est-ce que par hasard... t'aurais panté? Mais tais-toi un peu! Bon, la voix qu'on vient d'entendre, c'est qui? Eh bien, c'est la voix d'une jeune étudiante qui mène la vie dure à un garçon un peu plus vieux qu'elle. Dans l'extrait, elle l'appelle senpai. En japonais, un senpai, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience qu'un autre dans un certain domaine. Donc, dans ce cas-là, c'est juste que lui est plus vieux d'un an à l'école qu'elle. Donc, c'est la marque de respect là, pour lui parler. C'est un peu comme des sensei, là, dans les arts martiaux, mais là, dans cette forme-là, il l'appelle senpai. Bon, puis c'est quoi cette série-là que je vous présente? C'est l'histoire d'un jeune homme timide qu'on suit à l'école avec une jeune fille d'une année plus jeune, comme je vous disais, qui arrive à l'école, puis elle le lâche pas. Elle le découvre un jour à la bibliothèque. Puis là, il devient comme son sauve-douleur. C'est un peu du bullying au début, mais ça devient beau par la suite. Comme il est timide, c'est toujours comique quand elle s'adresse à lui puis qu'il fait des blagues. C'est surtout des blagues sexuelles. Et oui, là, faut croire que les animés japonais, bon, ils abordent toujours un peu la sexualité. Mais ce qui est le fun dans cette série, c'est qu'à force de côtoyer cette jeune fille-là, il devient moins gêné. Ils deviennent amis. Puis là, à un moment donné, il devient même populaire à l'école parce que, dans le fond, cette jeune fille-là qui est jolie, elle a deux, trois autres amis qui sont jolis aussi. Puis ils finissent par traîner avec lui dans le club d'art où ce que lui fait des dessins. Puis là, tout le monde se demande pourquoi que les jolies filles traînent avec ce gars-là qui est dans le club d'art. Fait que ça le rend un peu populaire à l'école, donc ça devient cool. Donc moi, cette série-là, je l'ai encore dévorée beaucoup trop rapidement en l'écoutant la nuit là, sur mon cellulaire, dans mon lit. C'est un animé qui a deux saisons de 12 épisodes d'environ 25 minutes. La saison 3 n'est pas annoncée parce que ça se termine sur, évidemment, il peut y avoir une suite de la manière que ça se termine. Puis en plus, je vous dis, la saison 1 est bonne, mais la deuxième est encore meilleure parce que là, il n'arrête pas de faire des activités un peu. On est comme dans la période des vacances dans la saison 2. Donc là, ils ne sont pas juste à l'école, ils sont toujours un peu pas sur la route, mais dans la ville en train de faire des activités à la plage puis des choses, ce qui mène à des affaires assez drôles. Donc, comme je vous dis, on attend pour la saison 3 une confirmation. Si les codes d'écoute sont assez bonnes, j'espère que ça va être annoncé bientôt. Donc voilà, c'était mes suggestions de séries animées. J'en écoute beaucoup, donc j'ai décidé d'en parler là, dans Lobster depuis un certain temps. Là, on part en musique. On va écouter Maître Gims, qui était au Centre Bell vendredi soir, le 13 juin, dans le cadre des Francofolies. Je n'étais pas là. Je ne sais pas s'il a chanté cette chanson-là, qui est nouvelle sur YouTube. C'est tout beau, tout neuf, une chanson qui est sortie il y a quelques jours seulement. On écoute la chanson « Comet » dans ce « Lobster ». Je me livre sans dire I love you, mais je me vois pas sans toi. Je reviens d'une mission, tu poses des questions, je serai là pour toi. Parfois c'est de l'ego, parfois c'est le mec tout, parfois c'est le mot de trop, mais pas de demi-tour. Non, non, non, je peux rien te promettre. J'ai déboulé un soir comme une comète. Je préfère être honnête, je m'apprête à commettre. Je veux qu'on apprenne à se connaître avant de commercer. Et je t'ai pas vu arriver, t'as tapé mon épaule genre. Et quand t'as regardé ailleurs, j'ai perdu ton attention. J'ai fait machine arrière sur des kilomètres. On fait comme la comète, j'suis revenu sur les lieux tout comme un criminel. J'me souviens de la maison 7e arrondissement vue sur la tour Eiffel. J'ai commandé à manger, le livre en macramé genre. Je sais que ton petit cœur est fragile, j'essaierai de faire attention. Un voyage, un voyage où faut pas se fier à tout ce que l'on voit. Donc pas de demi-tour. Non, je peux rien te promettre. J'ai déboulé un soir comme une comète. Je préfère être honnête, je m'apprête à commettre. Je veux qu'on apprenne à se connaître avant de commercer. Et je t'ai pas vu arriver, t'as tapé mon épaule, genre. Et quand t'as regardé ailleurs, j'ai perdu ton attention. De retour dans ce Lobster 167.0. Dernièrement, je suis allé chez mon frère chercher mon jeu de cartes Cité. Là, c'est quand même rendu l'étape excitante. On est rendu à l'étape de faire des tests. Tout d'abord, ben, mes cartes étaient super belles. Je suis bien content de l'impression. Ça donne un beau résultat. L'écriture est peut-être un peu petite. Ça, c'est une des choses. On a débuté, moi et mon garçon, à tester le jeu. Puis on trouve peut-être que l'écriture est un petit peu petite. On va dans la version 2. C'est à ça que servent les playtests. Là, se rendre compte de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Dans la suite, je vais grossir l'écriture pour être, je crois, à la même grosseur que Magic. Ou juste un petit peu en dessous, mais je pense que ça vaut la peine de grossir ça. Sinon, dès qu'on a débuté le jeu, on s'est rendu compte qu'il y a un type de carte qui ne fonctionnait pas. Les cartes de météo que j'ai mis dans le jeu, ça fonctionne pas parce que les cartes sont trop fortes. Puis vu qu'on est dans le premier set, on n'a pas toutes les cartes pour s'en défaire. Donc, on a décidé de retirer ces 33 cartes-là. Bon, sur 500, c'est pas si pire. On a vu que ça marchait pas, c'était trop fort. En fait, les cartes vont revenir dans le prochain set, mais les cartes de météo n'affecteront pas les deux territoires. Ils vont affecter juste le territoire de la personne qui joue cette carte-là pour l'avantager. Là, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que les cartes de météo affectent les deux territoires et de la manière que je les avais faites, elles désavantagent l'adversaire puis avantagent celui qui la joue. Mais c'est trop fort. Vu que c'est un premier set puis qu'on n'a pas toutes les cartes pour s'en défaire, comme je vous disais, on va l'amener dans le set 2. Donc, quelque chose qui a été modifié immédiatement. Une autre chose qu'on s'est rendu compte, c'est les cartes de structure. Parce que dans mon jeu Cité, le but, c'est d'upgrader sa cité. Puis quand elle est mise à jour, la cité, quand elle devient plus grosse, ben il y a nos héros qui apparaissent. Mais là, on s'est rendu compte que les cartes de structure étaient trop fortes. Fait qu'on a réduit déjà de moitié la défense de ces cartes-là. Donc, automatiquement, si une carte de structure avait 4 de défense, on l'a réduit à 2. Donc, c'est un des ajustements qu'on a fait parce qu'une carte de structure, c'est pas comme une carte de bonhomme là, ou de créature. C'est quand on attaque une créature avec une autre, ben si moi je faisais 3 de dégâts, la créature perdait 3, mais les structures ne perdent, peu importe qui l'attaque, elles ne perdent qu'un point à chaque fois. Donc c'était long avant de s'en débarrasser. Donc c'est pour ça qu'on a réduit la défense. On a vu que c'était trop fort. Donc voilà, c'est un peu ça les playtests. Ça va durer quelques mois. Pour s'assurer là, que le jeu fonctionne. Le jeu, il fonctionne en tout cas, ça on le sait. On s'est amusé. Moi, puis dès qu'on a eu fini nos premières parties, mon plus jeune garçon s'est dit: Ah, moi je veux faire. Il a vu que j'avais fait des cartes violettes qui sont un peu le côté ombrageux, le côté plus noir. Puis tout de suite, ça lui tentait de jouer ces cartes-là. Donc, il est en train de se faire des decks violets. Sinon, avec mes amis de Star Wars, il y a Martin, Max et sa fille Liz à qui j'ai donné des sets de cartes. Faut que je leur fournisse là, les règles simplifiées ou que je joue des parties avec eux pour leur montrer avant qu'eux se fassent des decks parce que en ce moment, j'ai juste écrit les règles avancées. Moi, j'ai écrit les règles complètes du jeu, mais tu sais, 68 pages de règles, tu lis pas ça d'un coup là. Donc, il faut faire des règles simplifiées, puis les règles complètes, c'est juste pour t'y référer quand tu veux des détails précis. Mais j'ai pas encore fait les règles simplifiées. Là, ce que je me disais, c'est que je vais montrer, on va jouer une partie avec tout le monde. Comme ça permet ensuite de comprendre le jeu. Puis après ça, les gens peuvent se faire des decks. Ensuite, il y a tous mes amis avec qui je joue à Magic, là, Martin, Nicolas et Étienne. Je vois la prochaine fois qu'on se voit, je les amène aussi chacun 2 sets de cartes. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je donne 2 sets, 2 fois 500 cartes à tous mes amis. Donc, ça permet de mettre au maximum 2 cartes de chaque chose dans ton deck, si tu veux. Mais dans les règles, on peut aller jusqu'à 4, là, comme dans Magic. Mais pour tester avec deux, c'est suffisant. Donc, ça me permet de donner beaucoup de sets de cartes à des gens différents et qu'on teste avec eux. Fait que là, mes garçons vont avoir des sets aussi de cartes. Moi, j'ai mon set, mes amis de Magic, mes amis Star Wars. Fait que là, on va être quand même plusieurs à pouvoir tester le jeu puis à faire les ajustements. Évidemment, moi, j'ai un livre dans lequel j'ai écrit toutes les corrections. J'ai créé un groupe Facebook aussi. En fait, c'est un des amis Star Wars qui a créé le groupe. Qui a mis les gens Star Wars dedans. Puis là, ça va me permettre de diffuser les corrections aussi, parce que je me suis aperçu, par exemple, qu'il y a une des cartes, j'ai oublié de mettre le coût dessus. Tu sais, sur 500 cartes, c'est pas si pire, s'il y en a juste une que j'ai oublié de mettre combien elle coûtait pour mettre en jeu, mais ça, faut que je fournisse les corrections pour qu'on puisse tester quand même la carte. Donc moi, j'ai un livre en ce moment dans lequel j'écris toutes les corrections que j'ai faites. J'écris genre carte 22, le coût c'est 2, en tout cas, mais ça, je vais pouvoir les partager dans notre groupe Facebook si les gens veulent voir les corrections qu'il y a sur les cartes. Mais bon, tout ce qu'on retient de ce que je viens de vous dire, c'est que le jeu fonctionne, le jeu il semble le fun. Donc c'est ça, c'est les nouvelles du jeu citées. Il me reste à faire les règles simplifiées puis à faire des corrections sur les cartes à mesure qu'on avance. Bref, je vous en reparlerai à mesure qu'on avance. Pour ceux qui sont intéressés à en acheter à un moment donné, quand le jeu sortira en bêta, je pourrai vous donner le nom du site à ce moment-là, parce que je vais évidemment créer un site pour le jeu. Donc voilà, on part un petit peu en musique. Est-ce qu'on part? Non, on part pas en musique. Non, on écoute un petit bout de musique, puis je reviens vous parler de mon livre que j'écris en ce moment. Bon, de retour, c'est quoi ce petit bout de musique? Eh bien, c'est Lost Woods. C'est la musique dans Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je voulais vous parler du livre que j'écris en ce moment. La mer de Sand, ça avance toujours. Je suis rendu à 68 pages d'écrit dans Word. Ça équivaut à environ 130 pages d'un livre de poche. L'été, je suis plus dehors, mais j'essaie de continuer à avancer là, quand il fait pas beau. Donc, ce livre-là devrait sortir bientôt. J'approche déjà de ce que je m'étais donné comme objectif pour mettre dans le livre 1, parce que ça va être un livre qui est en plusieurs parties, un peu comme La Compagnie des Glaces, qui est la série, je vous l'ai déjà dit, la plus longue de science-fiction écrite par la même personne. Donc, c'est un peu dans ce style-là. Donc, ça avance. Dès que le livre 1 sera sorti, puis que j'aurai fait imprimer, là, je pourrai, ceux qui en veulent une copie, vous m'écrirez, je vous l'enverrai par Internet. Aussi, côté piano, ben, mon cours de piano vient de s'arrêter pour l'été. Et oui, je recommence juste en septembre. Je suis en congé pour l'été, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Je continue à pratiquer chaque jour, sauf le week-end, comme je fais d'habitude. Puis je continue à maintenir les chansons que je maîtrise déjà. Puis là, je me suis fait donner une nouvelle chanson à apprendre durant l'été. C'est une chanson que je trouve quand même assez belle. C'est du Mozart. Donc, on écoute. Voici ce que j'essaie de jouer et d'apprendre en ce moment. Donc, évidemment, c'est une chanson que je trouve quand même assez belle. Ça semble pas très difficile. Faut juste pratiquer. C'est ça la recette. Moi, j'ai commencé à la pratiquer puis à prendre mes repères dans la chanson. J'espère que ça va bien aller, là. C'est quand même 4 pages à apprendre. C'est quand même gros. Donc, je verrai si j'arrive à la maîtriser là, par moi-même durant l'été. Parce qu'évidemment, si je vais au chalet, j'ai pas de piano pour pratiquer. Mais quand même, j'ai quand même beaucoup de temps avant de reprendre mes cours en septembre. Donc, je devrais avoir eu le temps de la maîtriser. Puis bon, quand j'ai demandé à ma prof là, une nouvelle chanson pour l'été, on jasait, là, le dernier cours c'était plus relax, puis c'est là que j'ai vraiment vu qu'elle était mordue de piano. Bon, parce que ma chanson était dans le livre 318, puis là elle a son ordi de branché là, dans la chambre où il y a un des pianos. Puis là, elle est juste allée dans ses archives, puis elle m'a imprimé les partitions. Elle a tous ses milliers de livres, ils sont tous numérisés. Donc, lui, ça, elle, ça, elle regarde sur la partition, elle a vu que c'était 318, elle m'a juste imprimé ça pas mal d'années. Puis là, moi, en même temps, elle me montrait, là, je disais, ouais, t'es mordu, t'es bien organisé. Puis elle me montrait juste pour ses livres d'Harry Potter, parce qu'elle a, elle a, par exemple, toutes les partitions des musiques de films dans des livres, mais elle me montrait qu'il y a 4 versions. Puis elle, il y a les versions faciles, les versions normales, les versions orchestrales, etc. Mais elle, elle a tout ça. Puis là, ben, je disais, ben, pour moi, qu'est-ce que je devrais acheter? J'ai dit, dois-tu acheter du facile? Dois-tu acheter normal? Je sais quoi, il faut que j'achète. Mais elle m'a dit, pour moi, c'est du big note. Je suis rendu à la... je suis pas dans le facile en ce moment. Là. J'ai comme monté d'un cran. Puis bon, je connais pas trop ça, mais elle dit, moi, je suis rendu à big note. Puis elle me montrait ça. Bref, je comprends pas tout encore. Mais bon, j'ai cette belle chanson à apprendre durant l'été. Et mes autres, évidemment, que je maintiens et que je continue de pratiquer. Sinon, pour ceux qui aimeraient écouter une bonne série dans le style de Star Wars, ou Battlestar Galactica un peu, ouais. Mais version kitsch japonaise. Un peu comme les films qu'on voit à Fantasia, en fait. Moi, j'étais en train d'écouter, ça s'appelle Sankukai. Je me souviens pas comment je suis tombé là-dessus. C'est pas sur les sites d'animés, là. C'est pas des animés, là. C'est de la TV classique, là. Mais c'est mauvais bon. C'est comme une histoire dans le style de Star Wars, mais en 27 épisodes. Puis les héros, ils font des pirouettes, puis plein de passes de samouraï, tout en étant habillés un peu comme dans Star Wars, mais plus coloré, là. Tu sais, coloré japonais. Puis il y a aussi une genre de femme fantôme mystérieuse qui se promène dans l'espace, à bord d'un voilier de l'espace, là. Je sais pas trop d'où elle sort, puis c'est quoi son rôle, mais elle arrive toujours au bon moment là, pour sauver nos héros maladroits. Puis j'imagine là, qu'à force d'écouter les épisodes, je vais mieux en apprendre sur elle. Pour l'instant, j'ai quoi? J'ai 7-8 épisodes d'écouter, puis ça fait 2-3 fois qu'elle apparaît. Puis ce qui est drôle là, dans cette série, c'est qu'il y a un équivalent de Chewbacca. Mais en fait, quand tu les vois dans le vaisseau, là, c'est comme dans Star Wars. Là. T'as Chewbacca, puis Han Solo, puis t'as Luke, puis t'as R2-D2. Mais Chewbacca, son poil, il est comme raide un peu. Ou je sais pas, il est pas frais. Il est cheap, puis c'est drôle. Puis, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça, R2-D2, il est pas mieux, là. C'est comme une grosse canisse de jus avec des lumières. Puis il parle, c'est un R2-D2 qui parle. Puis là, comme vu qu'il copie pas mal ce qui est dans Star Wars, j'imagine je vais avoir un C3PO qui va apparaître à un moment donné, mais je l'ai pas vu encore. Puis quoi d'autre? C'est ça, il y a les 27 épisodes, puis ça vient d'un film aussi. Il y a eu un film au début qui a pogné, j'imagine, puis après ça, ça a donné ça. Puis là, les passes de combat dans l'espace, dans nos épisodes, ils sont tirés du film, d'après ce que j'ai lu. Fait que là, il y a des passes de vaisseaux qui montent, qui descendent, mais ça revient tout le temps quand ils font des combats dans l'espace. Les mêmes scènes reviennent d'épisode en épisode, je sais pas s'ils ont manqué d'argent, mais en tout cas, c'est un petit peu cheap. Mais sinon, pourquoi je dis que c'est bon? Ben, c'est fait un peu comme Star Wars. Tu sais, ces mêmes années, je pense que ça a été fait en 79. Ça a passé en 79 puis 80 à TV. Mais ce qui est bon, c'est que c'est de l'époque où c'était des maquettes. Puis là, quand un village est détruit par les méchants, par exemple, ben, tu vois que ça brûle, mais c'est que quelqu'un a mis le feu d'un boîte en carton de maquette, puis avait y mis de la fumée. C'est la même chose, les vaisseaux dans l'espace, quand ils font tourner, on dirait que quelqu'un a donné une pichenote après un vaisseau attaché après des cordes, puis là, tu vois qu'il tourne. Fait que c'est ça qui est bon, on voit évidemment que c'est des maquettes. Quoi d'autre? L'histoire est bonne. Il y a comme une trame narrative. On suit des gens qui essayent de sauver... Bon, c'est comme dans Star Wars, il y a une gang de méchants qui veut conquérir l'univers. Puis ils ont un gros vaisseau qui ressemble à l'étoile noire, mais là, il s'appelle Bulbasaur, là, un autre Pokémon. C'est pas Bulbasaur, là, mais je me rappelle plus. Puis le roi, il y a comme un roi méchant là-dedans, là, l'équivalent de Palpatine, mais on le voit jamais, puis il parle tout le temps par une voix d'intelligence artificielle derrière une plaquette dessin de Leucing, là. En tout cas, j'ai hâte de voir la révélation de c'est qui le méchant, parce qu'on le voit pas encore. Puis les méchants, ils ont tous des casques avec des cornes, puis au lieu d'être des Stormtroopers avec des sabres laser, ben là, ils ont des samouraïs, ils ont des épées de samouraï. Fait que ça donne des combats comme ça. D'après ce que j'ai lu, sinon, ça c'est sorti, comme je vous disais, 79-80 en France. Puis je pense pas que ça a été diffusé, nous, au Québec. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, je le découvre, je l'ai téléchargé. Cette fois-là, sur le site Torrent911, si vous le voulez. Faut chercher pour San Ku Kai, puis tu mets français. Puis il est disponible sur leur site. Elle est disponible en plus avec le film. Moi, j'ai commencé par les épisodes. Ça me tentait pas de me taper 1-2-3 heures de film. Puis le film avait... En tout cas, les images étaient moins bonnes, on dirait. Parce que les épisodes sont très beaux. Là. C'est filmé... Ça ressemble un peu comme les premiers Star Trek là, avec le Capitaine Kirk original. C'est dans le même style. Donc, voilà. Je verrai si j'écouterai le film à la fin. Donc voilà, San Ku Kai, c'est ça, on écoute un petit bout de la série pour vous donner le ton. Puis ils ont une seule musique dans tous les épisodes que j'ai écouté à date. C'est tout le temps la même musique qui revient dans tous les films, dans tous les épisodes. À chaque fois qu'il y a un combat, c'est cette musique-là. Quand ça commence, c'est ça. Quand ça finit, c'est ça. Mais la musique est bonne. Je pense qu'ils l'ont utilisé au maximum de ce qu'ils pouvaient. Donc on vous a un petit bout d'épisode pour vous donner le ton, puis on écoute la musique après. Au fin fond de l'univers, dans le 15e système solaire, un tyran Golem 13 tente d'asservir les habitants des planètes Analis, Cheta et Belda. Hayato, Sidero, Siman et Ryu sont les seuls à oser se dresser devant lui. On se tait maintenant. Tous les hommes vont sur Analis travailler pour Golem 13. Ils vont bâtir un palais à la gloire de Sa Majesté. J'espère que vous êtes sensibles à cet honneur. Allez, embarquez! Attends! Mais on peut pas les laisser faire! C'est ça pour San Ku Kai que vous pouvez télécharger avec un logiciel comme Qubit Torrent sur le site Torrent 9.1. En passant, savez-vous à quoi la musique qu'on vient d'écouter là, me fait penser? Moi, ça m'a rappelé la chanson des libéraux. Là. Vous savez, celle de Trudeau, là, il y a quelques années, qu'il avait faite en français, où on comprenait rien, là, sauf « Une main haute maintenant ». En tout cas, on l'écoute. Enlever les mains hautes pour te mettre. dans ce Lobster 167. De quoi je voulais vous parler? Oui, c'est ça. Je surfais sur Internet dernièrement, puis je suis tombé sur un document. Je pense que j'étais en train de surfer sur un site de nouvelles geek un peu. Puis là, il disait que la Suède avait sorti un document pour ses citoyens. Puis le document se nomme « In case of crise of war ». En cas de crise de guerre. Fait que en Suède, il semble avoir produit un document qui indique quoi faire aux résidents. Là, c'est un peu comme s'il y a une attaque de zombies. Là. Le document il me faisait penser à ça. Là, s'il y a des zombies dans la rue, barricadez-vous. Mais là, c'est un vrai document. Puis là, ça dit... La première chose que ça dit dans ce document-là, ça dit « Dans des temps incertains, il est important d'être bien préparé. » La guerre est le treat, est le plus important à notre liberté. Donc là, je trouvais ça intéressant de lire qu'est-ce qu'ils conseillaient. Puis c'est un document qui est vrai. Là, d'après ce que j'ai lu, il a été envoyé à toutes les familles en Suède. Donc, ils disent la première chose aux gens de Suède, ils disent « Soyez impliqués dans la préparation collective contre la guerre. » Ils leur conseillent en premier joindre un organisme de défense volontaire qui a des choses spéciales à faire en cas de guerre, compléter un cours de RCR, donner du sang si vous pouvez, puis parler aux gens de votre communauté locale, comment vous vous préparez collectivement et augmenter notre force. Fait que c'est un petit peu bizarre là, le genre d'affaires. Fait que là, ils disent quoi faire. Fait que là, j'étais quand même intéressé de voir qu'est-ce qu'ils nous disaient de faire. Fait que là, eux, ils semblent avoir un système d'alerte là, qui fait du bruit. Ils disent si jamais vous entendez une alarme qui sonne pendant 7 secondes, après ça, 14 secondes tranquille, 7 secondes du bruit, nanana, ça veut dire qu'il va y avoir une annonce qui va être faite sur ce genre de système-là qui annonce des événements à venir. Si vous entendez 30 secondes l'alerte puis 15 secondes, fait que là, c'est tout marche avec le nombre de secondes. Il faut que tu retiennes combien de temps l'alerte a fait le chose pour savoir qu'est-ce qu'elle veut dire. Si c'est 30 secondes, là, ça dit « aller à l'intérieur, écouter la radio », puis là, ça, c'est un « emergency alarm », c'est une alarme d'urgence. Si jamais il y a un raid aérien sur la Suède, là, ça va être une alarme qui va sonner toutes les minutes. Fait qu'une minute qui fait le bruit, puis à une minute de silence, une minute sans arrêter. Fait que ça s'arrête pas. Ça veut dire rendez-vous dans les shelters de défense immédiatement. Après ça, si on entend 30 secondes sans interruption, puis après ça, plus rien, ça veut dire que tout est terminé. Fait qu'eux, ils ont, comme dans les villes, ils ont un moyen là, d'avertir les gens. Je pense qu'au Canada, ben au Québec, il y a déjà eu ce genre-là, mais v'là longtemps. Il me semble que j'avais entendu dire qu'ils n'avaient là, des alertes. Je veux dire, c'est ce genre de sirène-là, mais ça n'existe plus. Là. Sinon, qu'est-ce qu'il disait? Trouver un shelter durant un raid aérien. Nous, j'ai vérifié là, au Québec, puis au Canada, ça n'existe plus. Là. On n'a pas de shelter pour se protéger en cas d'attaque ou de rien. Tout ce qu'on a, nous, au Canada ou au Québec, c'est des plans d'urgence en cas d'inondation, en cas de tornade, en cas de genre d'affaires-là. Fait que nous, c'est ce qu'on a. Mais eux, ils disent que ils ont des shelters, puis les gens sont assignés à un en cas de justement d'urgence. Puis là, ils disaient les autres places, là, il y a un beau graphique qui dit si jamais on n'est pas proche d'un shelter, quoi faire? Fait qu'ils disent, pour se protéger, protection rudimentaire, ils disent de là, tu vois un gars qui est caché sur le bord de la route dans un trou. Fait que là, ils disent outside in a pit, dehors dans un trou or ditch, ou dans une crevasse. Fait que ça, c'est le moyen qu'on peut utiliser pour se protéger, mais c'est le moins bon. Après ça, on monte d'un step. Là, ils montrent des gens qui se cachent en dessous d'un pont ou près d'un mur. Un mur solide qui est fait en briques. Après ça, on passe un step plus haut. Là, ils disent rester dans la maison si tu as la chance d'être chez toi, puis dans une chambre qui n'a pas de fenêtre. Donc, c'est pour éviter, j'imagine, les éclats de quelque chose ou s'il y a des produits chimiques, j'imagine, mais ça va rentrer quand même. Ensuite, un step plus fort, ils disent les celliers, les garages ou dans les stations de métro. Fait que ça, station de métro au Québec, on n'a pas bien. Il y a juste dans la ville de Montréal qui pourrait servir. Puis d'après ce que j'ai lu, ben nous, nos stations de métro ne sont pas organisées pour ça. Donc, ils n'ont pas été pensés pour servir d'abri. Donc, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. L'air rentre comme elle veut. Fait que, c'est sûr, ça peut servir un peu, mais il y a beaucoup de situations où c'est mal organisé. Ensuite, bon, le meilleur moyen de se défendre, qu'ils disent, c'est le shelter civil, c'est la protection qui a été bâtie par la ville. Nous, il y en a un seul qui existe, d'après ce que je disais, il s'appelle Dishen Baker, quelque chose en Ontario, puis il peut servir pour les gens, seulement pour les gens politiques. Puis ils disent qu'il n'est plus en fonction, il sert de musée en ce moment. Donc, on n'en a pas vraiment. Donc, nous, on n'est pas préparés là, s'il se passe quelque chose. Puis là, il donnait les conseils. Qu'est-ce que les gens doivent avoir chez eux en cas de guerre? Il disait qu'il faut avoir de l'eau pour... ils disent qu'on a besoin de 3 litres par jour par personne. Puis ils disent qu'il faut essayer d'en avoir pour une semaine. Avoir quelque chose pour se garder la chaleur. Parce qu'ils disent que si on perd l'électricité, la Suède, c'est un peu comme nous. Si ça arrive en hiver, une guerre, ben, il faut avoir le moyen de se garder chaud. Fait qu'ils disent garder des couvertes, garder des chandelles, en tout cas, puis du gaz pour être une source de chaleur. Bon. Ensuite, communication, c'est important. Ils disent d'avoir un radio avec des batteries, avoir un téléphone chargé et une batterie qui permet de charger les téléphones, le genre de batterie que j'utilise pour aller jouer à Pokémon pour toffer plus longtemps. Après ça, un chargeur dans la voiture pour recharger le téléphone et d'avoir écrit nos numéros de téléphone importants sur un bout de papier. Parce que si nos téléphones tombent sans batterie, bien évidemment, on n'a plus nos numéros. Puis c'est rare que maintenant on les sait par cœur. Moi, je suis capable d'appeler à la maison, chez nous, chez mes parents de mémoire, mais je ne serais même pas capable d'appeler mes garçons, j'ai aucune idée de leur numéro. Là. C'est le téléphone qui retient ça. Ensuite, ils disent de garder de la nourriture, évidemment. De la nourriture non périssable, des céréales, des pâtes, du riz, du couscous, ça me faisait rire. Des patates instantanées en poudre, du lait en poudre, des tortillas, du pain crisp bread, je ne sais pas c'est quoi, des biscuits, du sel et des épices. Ensuite, ils disent de garder des cannes de tomates, de fruits, de légumes et des plats à manger rapidement comme du chef boyardier. Après ça, high protein, des protéines un peu ce qu'on trouve dans les clubs de gym. High fat, ils disent de l'huile à cuire, du pesto, des tomates dans l'huile, du beurre de peanut, des noix puis des graines. Après ça, des boosts d'énergie, de la gelée, du chocolat, du miel, des barres de protéines. Évidemment, c'est toutes des choses qui se conservent sans le frigo. Après ça, des drinks, ils disent du café, du thé, du chocolat chaud, blueberry, de la soupe, du jus et du lait. Ben là, le lait, je ne sais pas comment tu vas garder du lait. Là. Ça doit être en poudre, mais ils ne l'ont pas spécifié. Puis sinon, pour les enfants, ils disent du gruyot, les formules du lait là, en canne, puis du oatmeal, ben c'est un peu le gruyot, puis de la bouffe pour bébé. Ensuite, ils donnent le conseil au niveau de l'argent. Ils disent qu'il faut avoir assez d'argent pour toffer combien de temps? Ils disent que si on est en guerre et qu'il n'y a plus de courant, ça se peut qu'on ne puisse plus payer pour les biens. Donc, avoir assez de cash pour au moins une semaine, préférablement en plusieurs dénominations. Bon, ça, moi, je suis correct. Là, j'ai ma collection d'argent au sol dans mon coffre. Fera fort, je pourrais toujours utiliser ces billets-là. Sinon, avoir d'autres paiements options, avoir sa carte de... Oh, ça, on l'a déjà. Bon, toilette. Ils disent, s'il n'y a plus d'eau, ils disent, vous pouvez quand même faire pipi dans la toilette. Bon, c'est tout qu'un truc, puis de se faire caca dans un sac en plastique, puis d'aller de s'en débarrasser, ou ce que la ville va dire de s'en débarrasser. C'est un petit peu bizarre. OK. Pour éviter de réduire les odeurs, ils disent mixez pas l'urine puis le caca. OK. Bon. OK, on switch là, c'est un peu dégueu. Maintenant, évacuation. Vous pouvez avoir à évacuer rapidement là je vous traduis, là, c'est pour ça que des fois je me demande. Vous pouvez avoir à évacuer rapidement un area si jamais il y a un désastre naturel ou une attaque militaire ou des produits dangereux. Bon. Ils disent les choses à amener. Bon, amenez votre food, amenez votre hockey, okay, amenez votre permis de conduire, puis non, pour amenez vos médicaments, amenez votre radio, amenez vos vêtements chauds, votre téléphone, amenez une carte et un compas. Je suis pas sûr qu'on a bien des cartes et des compas maintenant, là. C'est plus Google Maps, là. En tout cas. Bon, maintenant, là, eux autres, ils parlent de le civil défense, les endroits où aller s'abriter. Ils disent, si vous n'avez pas été désigné pour aller dans un shelter spécifique, il dit, vous pouvez regarder en ligne sur une carte qui pointe où tous sont les shelters en Suède. OK, fait que si jamais on n'a pas un d'assigné, on peut aller à celui qui est le plus proche d'où on est en regardant sur Internet. OK, là, je ne sais pas s'il va y avoir de la place pour tout le monde. Là. Je ne sais pas si les autres, en tout cas, nous, on reste chez nous. Après ça, défense psychologique, c'est un autre point qu'ils abordent là-dedans. Ils disent qu'il peut y avoir, évidemment, de fausses informations qui vont être diffusées au moment. Donc, il faut juste prendre comme source d'information les sites gouvernementaux ou les sources fiables. Donc, ça, c'est quand même un bon conseil. C'est l'affaire la plus intelligente que j'ai trouvée dans ce document-là. Bien, pas plus intelligente, mais je me dis, ah, ça, j'ai appris de quoi? Parce que c'est pas quelque chose que tu vas penser. Tu te dis, ah, disons qu'il se passe quelque chose, puis tu fouilles, tu regardes sur Facebook ou, tu sais, toutes ces affaires des réseaux-là. Bien, ils disent, ça, c'est pas de l'information. Tu sais, c'est mieux de checker le site du gouvernement ou qui va faire des annonces ou des sites comme la presse qui peut, ben, ou des journaux là, qui sont bien connus. Mais encore là, eux pourraient toujours être piratés. Bon. Après ça, si on va attaque de terreur, bon, ça se peut que les méchants, ils attaquent directement les gens, puis là, le conseil qu'ils donnent, ils disent courir, ils disent éloignez-vous de cet endroit, cachez-vous dans une chambre, ou si vous pouvez pas courir, cachez-vous dans une chambre. Oh, ah, c'est ça. Cachez-vous dans un endroit où cachez-vous. Et puis, mettez votre téléphone en mode silencieux. Puis appelez le 112, c'est le 911 là-bas. OK. Maintenant, là, il nous donne des conseils comment arrêter de stopper le sang. Si jamais quelqu'un est blessé, il faut être deux. Puis il y en a un qui applique une compresse sur la blessure. Puis après, il appelle le 911. Après ça, pathogène. Si jamais il y a des choses dangereuses dans l'air, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, regardez le site du gouvernement pour qu'est-ce qu'il dit de faire. Fait que là, ça, ils donnent pas de conseils. Ils disent faut checker parce que ça peut être différent d'un cas à l'autre. Si vous avez besoin d'assistance spéciale, encore appelez-le le 911. Si vous avez des animaux, ils disent garder assez de nourriture pour eux puis d'eau dans un conteneur en plastique. Avoir les médicaments de nos animaux, avoir un moyen pour les transporter et avoir le téléphone de votre vétérinaire et de vos assurances animaux sur un bout de papier. Bon. OK. Là, si vous êtes inquiet, parlez à vos amis, votre famille ou appelez l'in-ligne pour l'aide mentale. Ils disent parler à vos enfants de la situation. Fait qu'il faut garder nos enfants au courant de tout ça. Puis ça termine. Ils font un rappel des numéros à appeler. Eux, le 112, c'est pour les ambulances. En tout cas, c'est le 911. Ils ont le 114 pour tout ce qui n'est pas urgent, mais qui permet de contacter la police, comme un chat d'un arbre. Le 113, ça c'est to receive. Ah, ça fait qu'on peut appeler ce numéro-là pour recevoir de l'information à propos des accidents sérieux ou de crise. Donc, ils ont un numéro de téléphone en cas de crise qu'on peut appeler. Donc, là, tu es sûr que tu as de l'info qui vient du gouvernement. Et finalement, ils ont le 1177. C'est de l'assistance médicale. OK, c'est un peu comme notre numéro, là, 811, là, à santé. Fait que là, sinon, ils ont le site. Toute cette info-là que je vous ai dit, c'est sur les sites msb.sa. Je suis allé voir, puis bon, ça parle beaucoup de la guerre là, sur leur site, comment se préparer, ils disent qu'ils font partie de l'OTAN, puis tout ça. Évidemment, tout ça, ça a été prêt. Ils disent que ce document-là, il a été préparé en 2018, mais ils l'ont remis à jour avec toutes les choses qui se passent par la Russie qui attaque l'Ukraine. Puis quand leur document il est sorti en 2018, tous les gens disaient « Voyons, vous êtes ridicule de sortir ça, nanana. » Puis là, finalement, quand la guerre a été déclarée, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, ben ils disent « Ah, finalement, ce document-là, une chance qu'on a ça. » Ben pas une chance qu'on a ça, mais ça fait du sens de l'avoir. Puis c'est pour ça qu'ils viennent de le remettre à jour. C'est pour ça que je suis tombé là-dessus. Puis là, finalement, il y a une dernière page là, qui a le mémo sur les signaux d'alarme. Le 7 secondes, les affaires de 30 secondes que je vous disais pour l'urgence, l'arrêt aérien, là, une minute, puis 30 secondes pour dire que c'est réglé. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de parler du document-là. Nous, on n'a rien de ça ici au Québec. Je sais pas si on aurait besoin de ça, peut-être pas. Mais bon, je sais pas, j'ai aucune idée. Je me dis peut-être, ça pourrait être intéressant d'avoir des abris permanents en cas de désastre, mais malgré que là, en ce moment, quand il se passe des choses comme ça, on envoie les gens dans les hôtels, puis nanana. Il me semble que la guerre, nous, ça nous semble assez loin, donc se préparer pour la guerre, je suis pas sûr. Donc voilà, c'est un petit sujet que je voulais jaser avec vous. Et un dernier sujet pour terminer ce lobster. J'ai lu un article sur le site corben.info. C'est comme un site un peu geek là, avec toutes sortes d'infos insolites. Puis un des articles qui a attiré mon œil, ça disait « Chine, le business du faux travail cartonne ». Puis là, ça disait, je ne sais pas si vous savez, mais en Chine, des milliers de personnes paient quotidiennement pour s'asseoir dans un bureau et faire croire qu'elles travaillent. Donc, j'ai lu l'article, puis là, ce qu'on apprend là-dedans, c'est que le taux de chômage en Chine est quand même assez haut. Il disait 16%. Puis les gens, puis en Chine, il y a l'image des travailleurs est importante dans leur famille, d'après ce que je lisais. Donc, les gens, pour ne pas montrer à leur famille qu'ils ont perdu leur emploi, eh bien, ils louent des places dans des faux, dans des bureaux, mais c'est des bureaux où tu te rends puis tu fais semblant de travailler. Ça te coûte entre 4 et 7 $ par jour. Puis là, tu as droit à l'expérience complète. Tu as ton bureau avec Wi-Fi et puis tu as accès à une cantine sur place. Puis c'est quoi qu'il disait qui était drôle? Ouais, c'est ça, tu peux payer un petit peu plus cher. Tu peux payer, il disait, 50 yuan de plus. 50 yuan de plus, c'est le double du prix. Dans le fond, 7 $ de plus par jour. Si tu payes 7 $ de plus, là, tu as le droit à un bureau de manager. Fait que tu peux faire semblant que tu es la manager de la place. Puis là, ils donnaient le cas, ils disent « Prenons le cas de Zhou Guan, ex-financière, qui illustre parfaitement cette folie. Épuisée par la pression de la finance, elle a démissionné en 2024 et depuis elle paye 55 $ par mois pour faire semblant qu'elle est une femme active. Elle se réveille à 7 heures, elle rentre dans le métro qui est bondé, journée de bureau, puis elle revient à 7 heures. » Donc, elle fait la routine classique là, du travail en Chine. Sauf que, évidemment, ce n'est pas vrai. Puis là, c'est ça, tu peux payer aussi des abonnements pour avoir des affaires un petit peu spéciales. Tu peux payer pour que, faire des fausses chicanes avec d'autres, avec ton patron. Aussi, tu peux payer pour qu'il y ait quelqu'un qui joue vraiment le rôle de ton manager puis qui vient vérifier quelques fois par jour si tu fais vraiment quelque chose. Puis là, il te donne des conseils, puis nanana. Mais en tout cas, tout ça pour faire la fausseté, là, pour garder ça faux. C'est quand même comique. Donc voilà, c'était un petit article que j'ai lu puis qui me disait, c'est pas normal là, de payer pour aller s'asseoir pour faire semblant. Les critiques que les gens ils donnent là-dessus, ils disent, pourquoi au lieu de payer, pourquoi tu retournes pas te former puis tu mets pas l'argent dans quelque chose qui est plus utile que faire semblant? Mais bon, il semble que pour certains, ça permet de préserver un genre de santé mentale ou de garder son statut là, dans sa famille. Donc voilà, on va terminer ce lobster là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine, puis on termine la musique. On va écouter un petit peu de musique là, que j'avais mis de côté pour vous. Bonne semaine! La jeunesse emmerde le Rassemblement National! Les hommes se comportent comme des porcs de l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Porcherie, porcherie, porcherie, porcherie. Nous sommes à l'heure des fanatiques. Folie, oppression, scientifique.